Et bonjour, vous êtes sur Canal Sud, vous écoutez La Centrifugeuse et c'est l'émission 390 qui commence maintenant. Converge. Voilà, un arrêt un peu brutal donc de ce morceau qui s'appelle Converge, qui est tiré d'un album au titre très réjouissant, savoir Petro Dragonic Apocalypse, or Dawn of Eternal Night, et entre parenthèses, an Annihilation of Planet Earth and the Beginning of Merciless Damnation. Voilà, que du bonheur donc. Et c'est le titre donc du 24e album des Très Dérangés, King Gizzard and the Lizard Wizard. Donc 24e album depuis 2012, c'est énorme. Il faut savoir qu'il n'hésite pas à sortir plus de 2 albums par an. En 2017, c'était même 5 albums. Et c'est souvent de bons albums. C'est des touche-à-tout du rock, hein. Il y a des fois des choses un peu folk boisées à la Beatles, de l'indie rock, du rock progressif. Et là, donc, sur cet album, ils ont allé sur un de leurs vieux dadas, à savoir le thrash metal. Hein. On n'est pas loin de Iron Maiden, parfois, du rock un peu Donjons et Dragons, bien old school, bien agressif. Qui peut dévier vers de la trance synthétique avec des chants un peu chamaniques et des arrangements psychédéliques. Voilà, un album musclé mais toujours aussi intéressant. Et en tout cas, avec cette grande variété d'albums et de genres, ils font des concerts absolument dantesques. Je crois que c'est un des tout meilleurs groupes de scène à l'heure actuelle. Ils ont d'ailleurs une cohorte de fans qui les suit de concert en concert, sachant qu'aucun ne ressemble au précédent. Voilà, donc sinon au programme de cette émission, il y aura un album de la semaine, du post-punk avec Shame, leur troisième album. Il y aura une séquence, on va dire, un peu Cold Wave. Il y aura un second album de la semaine de l'électronique avec Nabia Iqbal. Il y aura une séquence, on va dire, pop romantique, pop crooner. Il y aura une séquence jazz, il y aura de la pop expérimentale en troisième album de la semaine avec Daniel Bloomberg, et on terminera par de l'ambient avec le grand Brian Eno. Donc on commence de suite par le premier album de la semaine qui est signé Shame, les Anglais de Shame. C'est leur troisième album depuis 2018. Hein, on avait notamment adoré celui de 2018 qui s'appelait Songs of Praise, qui était un post-punk assez adolessant. Celui-là s'appelle Food for Worms. Il est beaucoup plus varié, toujours post-punk, mais il va tirer beaucoup plus du côté de l'indie rock, voir ce qui est nouveau, du hardcore US, voire du post-hardcore, voire de la noise rock, voire également du rock slacker, une grosse influence US sur cet album. Il y a toujours le chant du charismatique chanteur Charlie Sheen. Ça s'est toujours sorti, ça sort toujours, pardon, sur leur label Dead Ocean Records. La production est signée Mark Ellis, et donc c'est un album plein de fraîcheur maîtrisée, d'énergie rock débridée, donc une grande variété musicale. On va écouter 2 extraits, Adderall et All the People, et voilà, c'est un excellent album, vous l'aurez compris. Like everything you said. Tonight I've fallen in your description. I find I've fallen out of love between the bodies and the shadow. That's where I'm gonna search for her. All the people that you're gonna meet, don't you throw it all away, because you can't love yourself. And à l'instant, vous avez pu écouter Shame, donc le morceau All the People tiré de leur troisième album en date, le très bon Food for Worms. On va aller pas très loin du post-punk vers de la Cold Wave avec Grave Pleasures, donc un groupe qui nous vient du froid puisqu'ils viennent d'Helsinki en Finlande. C'est un quintet, ils viennent de sortir leur cinquième album depuis 2013, l'album s'appelle Plague Boys. Voilà, un groupe qui initialement officiait le post-punk et a viré vers la Cold Wave, groupe dont les deux seuls membres d'origine restent le chanteur britannique Matt McNamee et le bassiste Vateri Arino. Voilà, ils sont sous fortes influences Joy Division, une dimension gothique assez évidente à leur musique qui est accessible et dansante. Il y a un lyrisme assumé, des chœurs chatoyants, des synthés ludiques. Au niveau des références, et bien on est outre Joy Division cité précédemment sur du Depeche Mode, du Echoes Bunnyman ou même du Killing Joke parfois, hein. Certains musiciens viennent du métal, et notamment du fameux groupe Oranzi Pazuzu. Voilà, c'est un très bon album. On va écouter le morceau Lead Balloons. Donc, Crave Pleasure, c'est parti. All the dogs we held at bay are chaffing at the leash. You gotta turn and face the other way. We see a devil in the mirror. We see a skeleton with a soul. We have to separate the animals. Separate the animals. I try to catch them when they fall, like black teardrops on the earth. Let balloons hang on for us. Let balloons. Gotta rearrange the funeral. Rearrange the funeral. I try to catch them when they fall, like black teardrops on the earth. Let balloons hang over us. Let balloons hang over us. I try to catch them when they fall, like black teardrops on the earth. Voilà, l'excellent morceau que vous venez d'écouter à l'instant s'appelle She Lies Beyond. Il est signé Leading to Gold, donc qui est le projet solo de Paul Barker. C'est son troisième album depuis 1990 sous cet alias. Il est plus connu pour être le bassiste du groupe de métal industriel Ministry. En tout cas, il était bassiste entre 1986 et 2003, paraît-il, la meilleure période du groupe. Voilà, donc c'est sorti cet album chez Artifact Records. On est entre Cold Wave et Synth Pop et musique industrielle. C'est froid, bizarre, hanté et étonnamment mélodique. C'est un excellent et très original album donc, de Leading to Gold. L'album s'appelle The Eternal Present. On poursuit avec le second album de la semaine, qui est un album de musique électronique signé Nabiha Iqbal. L'album s'appelle Dreamer. C'est son second album solo. Elle avait sorti un très bon premier album en 2017. Voilà, donc Nabiha Iqbal, c'est quelqu'un qui a un CV très très fourni. Elle est à la fois DJ, écrivaine, musicienne, animatrice de radio, avocate d'association de défense des droits de l'homme, également conservatrice de musée et conférencière, et diplômée d'histoire et d'ethnomusicologie. Et elle est même ceinture noire de karaté, donc vous voyez, c'est sans doute un personnage. Donc cet album est sorti chez Ninja Tune, c'est de la musique électronique intimiste et gracieuse, dotée d'un son enveloppant, richement orné de parties de guitare jouées par Nabiha elle-même. On est souvent très proche de la dream pop ou du shoegaze, même si certaines pistes sont bien plus dance floor et ont un groove mélancolique et rêveur assez implacable. Voilà, c'est un bel album très varié qui gagne en profondeur au fil des écoutes. On va écouter trois morceaux pour explorer un peu cette richesse. Le premier s'appelle Sky River, on le fera suivre de Gentle Heart et on clôturera par la ballade Closer Loves. Voilà, Nabiha Iqbal, c'est parti. We'll be right back.

Voilà, donc à l'instant, c'était la très jolie ballade, presque shoegaze, Closer Love, donc ballade qui conclut l'excellent album Dreamer de Nabia Iqbal, donc notre second album de la semaine. On n'était pas très très loin de Slowdive. On poursuit avec une séquence, on va dire, de pop romantique. On commence avec BC Kemplight. BC, c'est pour Brian Christienzo. Donc c'est son sixième album depuis 2005, l'album s'appelle The Last Rotation of Earth. C'est un artiste qui est né en New Jersey, qui a émigré à Philadelphie, puis ensuite à Manchester, en Angleterre. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à mettre des textes légers sur des sujets assez, assez lourds. Son précédent album, Shortly After Takeoff, parlait du décès de son père et du début de son divorce. Et cet album-là parle des conséquences de ce divorce sur sa santé mentale. Voilà, on est sur une pop party assez majestueuse, richement orchestrée, agrémentée d'une très très belle voix de crooner. Parfois au chant, il fait intervenir sa complice qui l'accompagne également sur scène, Francesca Pigeon. Le morceau qu'on va écouter s'appelle The Movie, donc BC Kemplight, c'est parti. Scene one. We see a man in his 40s. He sat at the kitchen table, dressed in a Kermit the Frog onesie. He's staring into a photograph in which he and she laugh in front of the Portuguese sunset. Action. Recall what's happening here. You saw a lifeguard on the pier. You said, hey, look, it's Louis Theroux. I said, it's pronounced Theroux. X's are tricky, and he's got better things to do than saving me and you. Saving me and you. This is the light going out the world and into the strangeness. This is the light going out of my life. I can't understand it, but it feels just like a movie. Scene two. A close-up of the bathroom mirror shows a reflection of the man. He is repeatedly singing himself the last line of Happy Birthday until he stops. Action. Where's my fucking cake? I'll share a piece with my big mistake. Tell the town I'm cooking again. You can find me at Square, talking to God, but no one's there. Help me, brother, I'm backwards chasing. I'm backwards chasing now. This is the land going out the world. Like a movie. I'm sorry. The ground. juste après BC Camplight, on est resté dans les belles voix de crooner avec Jonathan Brie, le néo-zélandais sans visage, l'ex brunette, en 90, groupe qui existait entre 98 et 2011. Il a ensuite entamé une carrière solo, c'est déjà son cinquième album. On avait adoré le précédent After the Curtain Close en 2020. Cet album là, pré-code Hollywood, un peu dans les mêmes registres, une pop riche, moite et ténébreuse, assez groovy. Il a des invités sur cet album, Princess Chelsea comme sur le précédent, sa vieille complice, et le fameux Nile Rodgers, donc la moitié de Chic, célèbre producteur. Voilà, très bon album, donc Pré-Code Hollywood de Jonathan Brie. On va passer une séquence jazz qui va me permettre d'annoncer un concert. Concert le 10 octobre à 20h30 au Théâtre du Pavé dans le cadre du festival Jazz sur son 31. Concert du groupe Garnisen Acoustic Unity. Donc ce sont des Norvégiens. Garnisen, c'est un batteur. Il est accompagné de deux compatriotes, un saxophoniste et un contrebassiste, avec qui il forme un power trio capable d'aborder des hymnes enflammés et des ballades poignantes avec autant de panache et de conviction. Voilà, on va écouter le morceau Boogie tiré de l'album Elastic Wave, album de 2022. Donc Garnisen, c'est parti. Thank you. see that love. Donc juste après Garnsen Acoustic Unity, donc je répète qu'ils seront en concert à Toulouse le 10 octobre à 20h30 au Théâtre du Pavé. C'est organisé par le Pavé en le Jazz dans le cadre du Festival Jazz sur 131, ça vaut donc sans doute le coup. Donc juste après donc Garnsen Acoustic Unity, on a pu écouter le 17e... un extrait du 17e album Jazz is Dead, donc collection dirigée par Adrian Young et Ali Shahed Mohamed, donc des producteurs qui invitent régulièrement donc des jazzmen qui les ont beaucoup impressionnés dans le passé, qu'ils ont beaucoup écoutés. Et sur ce 17e volume de la collection, donc ils invitent Lonnie Liston Mintz, l'organiste et pianiste qui n'avait rien enregistré depuis 1998. Et ensemble, donc, ils ont produit un jazz doux et balancé, légèrement soul et funky. où intervient parfois la chanteuse Lorraine Oden, et le tout en d'une écoute extrêmement facile et agréable. Bon voilà, et on va conclure cette émission sur le troisième et dernier album de la semaine, qui est signé Daniel Blumberg, l'ex-chanteur de Yuk, artiste accompli, à la fois dessinateur et cinéaste, quelqu'un qui a une sensibilité à fleur de peau, qui lui donne une personnalité parfois borderline. Voilà, elle a sorti son troisième album depuis 2018. L'album s'appelle Gut, ça veut dire intestin, et il parle de sa maladie des intestins, maladie chronique, qui lui cause beaucoup de tracas. Il aborde ça d'une manière résolument expérimentale, donc, puisque cet album est enregistré en une seule prise ininterrompue, mettant au centre de cette musique le son parfois organique de l'harmonica basse. Voilà, il met à nu cette maladie chronique, ce que ça lui fait. Il y a des fois des envolées mélodiques orchestrales absolument magnifiques et parfois des cacophonies instrumentales complètement expérimentales, donc complètement barrées. Tout émaillé de cris gutturaux. C'est de l'art brut, presque, puisque c'est sincère, brut et fort. C'est un très bel album. On va écouter deux morceaux qui concluent l'émission, Cheer Up et Knock. Et on vous dit à dans 15 jours, donc on vous laisse avec Daniel Blumberg. C'est parti. Knock, knock. Knock, knock. Knock, knock. Knock, knock. Unblock. Cheer up. Cheer up. Unstuck. Unstuck.